Je frappe pas la porte, celle du paradis, mais c'est le diable qui répond, le cul en sang. Je suis venu par derrière pour reprendre les dents. Un homme marin vient me faire la corde à laquelle tu tends. Beaucoup de moyens, mais plus aucun talent. Y'a ton image qui vend, ça bibi des top line. A des corps je ne sais, faites pas semblant. Toujours la guerre, un globe vertical, la forme de mon continent. Si j'ai vu Dieu, j'avoue, pas encore, mais je ne cesse de prier. Des millionnaires, mais juste en avance, ne savent plus rembourser. La grosse balayette, le genou à terre pour que tu te soumettes. T'as montré moins cher, ni or ni diamant, le poids de ma gourmette. Tout a un prix, même devenir père, ça s'appelle la pension. Toujours en vie, maman c'était en heure, donc j'ai dû tuer le temps. Hey, la vie de bandit, les peines lourdes et les pleurs, daron apeuré. Hey, la vie de bandit, les peines lourdes et les pleurs, daron apeuré. C'est pas ma vie, c'est pas la mienne. Pourquoi ils veulent toujours que je foute la merde? C'est pas ma vie, c'est pas la mienne. Pourquoi ils veulent toujours que je foute la merde? Ouais, faut que ton cardio gros, si je te tabasse, ça traînera pas longtemps. J'abus percute, si un v'là l'esquive, le clock sera dans mon camp. J'aime quand je traîne, quand je croise mes gars sûrs, qui me parlent comme si c'était hier. J'aime quand je saigne, car c'est par mes blessures que passe toute la lumière. J'ai pas le temps, no time. J'suis plus dans la rue, les types de taille. Putain, neige sur un rail, si peu la neige à la paille. Galère en veine, faut négro manque d'hygiène. Toujours à ce côté la gare, les huissiers à midi, la daronne les pilleurs. Mal en notaire, prenant selfie, j'ouvre des SP sans faire de crédit. Mal en notaire, prenant selfie, maintenant les bourgmestres prennent en selfie. Mais où est-ce qu'ils étaient quand je voulais les papiers? Ah bah ouais, j'ai dû les croire, mais sans y croire. Rouler des pétards dans les auditoires, sablier noir, de désespoir. Dans la mémoire de la gare à la gloire. La vie de bandit, les peines lourdes et les pleurs, daron apeuré. La vie de bandit, les peines lourdes et les pleurs, daron apeuré. C'est pas ma vie, c'est pas la mienne. Pourquoi ils veulent toujours que je foute la merde? C'est pas ma vie, c'est pas la mienne. Pourquoi ils veulent toujours que je foute la merde? Daron apeuré. Changer.